Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première et toute nouvelle émission intitulée Éclat de lumière et proposée par le magazine culturel en ligne Lumière en art, dédié à la transmission de ma culture. Je me présente, je m'appelle Victor Belin, je suis étudiant en histoire, futur professeur et membre tout récent de l'équipe de rédaction du magazine Lumière en art, et je suis accompagné par mes camarades et néanmoins amis que je vais eux-mêmes les laisser se présenter et parler un petit peu plus en détail de ce que c'est Lumière en art, de ce que nous proposons comme contenu et de ce que nous proposons et de ce que nous allons proposer dans cette nouvelle émission. Mouloud, si tu veux bien commencer. Alors moi, pour parler de lumière en art, je veux d'abord m'intéresser à la symbolique de la lumière et de la liberté. L'art en général, c'est pour exprimer des sentiments, pour exprimer, que ce soit la révolte chez certains, que ce soit l'expression subjective artistique de l'individu. La lumière en art, c'est aussi la lumière, ça va contre les obscurantismes, contre tout ce qui est répression, contre tout ce qui est liberticide. Donc tout se rejoint dans cette lumière. Donc, quand on parle de la révolution, je dirais philosophique et sociale en France, on parle du siècle des Lumières. C'est la raison qui l'emporte sur effectivement l'obscurantisme religieux et sectaire, quoi. Donc Lumière en art, c'est la promotion aussi de tous les arts, de toutes les cultures, de la plus simple à la plus élevée, hein. Bon, on va pas faire un jugement de valeur, l'expression est toujours positive, hein, pour l'être humain. Quand on dit lumière en art, on dit aussi liberté à chaque individu de s'exprimer. Pour les démocraties actuelles, c'est absolument nécessaire, parce qu'on sait que les dictatures, les systèmes obscurantistes, pour disons supprimer les libertés, c'est réduire l'art en général. Merci beaucoup. Gilles, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose et puis vous présenter à nos auditeurs et aux auditrices de Graines de Lumière ? Alors, oui, pour cette émission de radio, on a souhaité faire briller un petit peu les éclats de lumière. Et comme ça a été expliqué de façon très intéressante par Mouloud précédemment, effectivement, on va. Alors, je reviendrai pas sur les éléments qu'il a donnés, mais voilà, on est passionné par la culture, par la découverte de jeunes talents, de jeunes créateurs, de pépites qui sont un peu toutes les facettes de la créativité, de l'univers de la culture et des arts. C'est aussi un souhait, quand on n'organise pas nous-mêmes dans notre structure associative des événements directement. On peut être porteur d'un projet, inviter un réalisateur, un écrivain. Ça peut être rencontrer aussi un artiste, un photographe. Mais également, on est très très lié à l'univers du 7e art, puisque dans Lumière, on est très fier du titre quelque part, puisque dans cet intitulé, on a aussi la référence aux Frères Lumière. Donc c'est quelque chose qui est très riche. Alors, quand on n'est pas porteur de projets comme créer une exposition ou un événement, on est un outil qui est ouvert à tous, à chacune et chacun peut y participer et le bienvenu, puisque finalement on est tout public au niveau des participants, donc ce qui nous permet de partager des émotions, des richesses, d'événements, des temps forts, de l'actualité culturelle à Nancy, dans le Grand Nancy, en Lorraine, mais souvent bien au-delà, et c'est important de faire rayonner Nancy sur d'autres villes, d'autres départements, d'autres régions. Voilà, pour me présenter rapidement, passionné de culture, enseignant, et je pense que c'est intéressant de pouvoir justement encore une fois échanger avec un tas d'artistes, souvent qui ont besoin de communiquer, qui ont envie de s'exprimer avec leurs propres outils. Et on considère que l'art de vivre, c'est finalement de la musique au théâtre, au spectacle vivant, à la photographie, à la sculpture, mais aussi l'artisanat d'art. Et puis bien évidemment, quand on parle de l'art de vivre, ça peut être un chef cuisinier, quelqu'un qui a du talent, un maître pâtissier. Et nous-mêmes, on est amenés, on y reviendra par la suite, c'était l'idée de cette émission, de proposer des temps forts. Et parmi ces temps forts, il y a donc les événements Joker. Merci beaucoup. Alors, pour préciser un petit peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver donc dans cette émission Grain de Lumière ? L'objectif de Grain de Lumière, c'est avant tout, comme l'ont très bien dit juste avant Mouloud et Gilles, de transmettre, comme avec le magazine Lumière en Art, la culture sous toutes ses formes. À travers la mise en avant d'événements, d'expositions, de rencontres, il ne sera pas rare que dans l'émission, on invite des gens pour parler un petit peu de leur parcours de vie, un petit peu aussi de leur art, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pratiquent, où est-ce qu'on pourra également les retrouver. Et en plus de pouvoir les mettre en avant, ces invités pourront également nous partager largement leur propre coup de cœur culturel à travers les questions que nous pourrons leur poser. Ce sera aussi l'occasion pour nous, évidemment, membres de l'équipe Lumière en Art, de proposer ces coups de cœur à travers donc ces lectures, ces expositions, du cinéma, de la musique, mais également des restaurants, de l'artisanat d'art, comme l'a bien dit Gilles. Un agenda culturel sera donc proposé régulièrement dans l'émission afin de présenter les événements qu'on pourra retrouver à Nancy, en Grand Est, mais également autour dans la région, mais également aussi à Paris, puisque nous avons une filiale parisienne, donc il pourra arriver que nous parlions d'événements qui se dérouleront à Paris. Enfin, parfois, on ne s'interdit pas, hein, avec mes petits camarades, de mettre en place des petits jeux destinés donc à vous faire gagner des lots, des places pour différents événements, puisque nous sommes partenaires d'un certain nombre d'événements culturels en Grand Est, mais également donc en région parisienne. J'ajouterai également, et vous allez pouvoir le voir tout de suite, que nous avons sélectionné un certain nombre de morceaux pour vous accompagner autour de cette émission. Et je vais dès maintenant vous en passer un, qui s'appelle La Ritournelle, qui a été présenté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Donc c'est Sébastien Tellier, je pense que certains d'entre vous connaissent. Et voilà, on vous retrouve dans quelques minutes. We'll be right back. C'était donc la ritournelle de Sébastien Tellier qui a donc été jouée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques qui se sont déroulés cet été à Paris. Donc, pour commencer cette première émission, on va vous proposer dans un premier temps un petit agenda culturel afin donc de présenter les événements de Éclat de Lumière ou auxquels Éclat de Lumière participera dans les semaines et dans les mois à venir. Et donc je vais commencer par laisser Gilles s'exprimer à ce sujet. Je crois que tu as une exposition de laquelle tu as envie de nous parler. Oui, ça a été vraiment un coup de cœur pour cette période de fin d'été. Et on parle au-delà de Nancy, puisque là c'est un événement avec l'Oustal, l'exposition intitulée « Atmosphère » jusqu'au 31 octobre à l'espace Saint-Louis qui est à Bar-le-Duc. L'association Expression 55 qui organise l'événement a vraiment proposé un projet artistique passionnant. C'est aussi un ami et puis un artiste photographe de qualité dont on aura l'occasion de reparler, Laurent Nombrini, qui est à la tête de cet événement. Et effectivement, même au niveau universitaire, on s'est aperçu qu'il y aura de bons retours. Bon, le commissaire de l'exposition est Philippe Lerat de l'Université de Lorraine. Et je pense que cette exposition est quasiment unique en France puisqu'elle regroupe pour la première fois une centaine d'œuvres de Jacques de l'Oustal. Alors derrière, on pourrait dire son image connue et convenue de l'Oustal à l'univers de la BD, c'est un artiste vraiment à part entière, dans la mesure où il pratique à la fois la peinture, comme le dessin, il fait une variation d'utilisation d'outils, de supports, et c'est assez passionnant, et il est toujours dans une démarche de recherche permanente. Alors, l'Oustal est toujours en mouvement, je dirais, il est doublement en mouvement. C'est un voyageur infatigable qui sillonne de nombreux pays et ses sources d'enrichissement pour sa créativité. Il promène un regard qu'on pourrait dire quasiment distancié sur les sites, sur les lieux, les paysages et les hommes. L'Oustal s'inscrit dans une recherche aussi sur le dessin, l'aspect graphique, la couleur et la représentation. L'ensemble des œuvres exposées est un voyage fabuleux. Dans la diversité des techniques, on voit à la fois des œuvres, des huiles sur toile, des aquarelles, des œuvres fixées sous verre, des dessins, de nombreux travaux au fusain, de la sérigraphie, de la lithographie, c'est vraiment un univers complet. Il travaille à l'économie de moyens, ce qui est vraiment passionnant pour un artiste. Et en définitive, il excelle littéralement dans la composition d'images fortes. Chacune de ces images va attirer l'œil ravi du spectateur et plonger chaque fois le spectateur dans une atmosphère tout à fait unique. C'est le point de départ d'une rêverie, d'un imaginaire, et c'est très franchement, de façon authentique et sincère, une des plus jolies expositions que j'ai découvert. Alors je vous dis encore une fois, bien au-delà de ceux qui avaient l'image de l'Oustal comme BD, on découvre l'œuvre d'un artiste complet. Et puis vous pourrez voir aussi tous les livres auxquels il a participé, voilà, Simenon ou bien d'autres choses. Et on vous en donne juste un peu l'eau à la bouche, comme on dit, c'est un amuse-bouche pour avoir envie d'y aller. Donc, rue François de Guise, donc c'est la ville haute à Bar-le-Duc. Vous pouvez vous renseigner sur le site d'Expression 55. Sur la période donc, de septembre à octobre, vous avez le temps d'aller passer une petite visite, un petit séjour avec une balade sur Bar-le-Duc en Meuse, les samedis et dimanches, ça tombe bien, les week-ends. Donc, exposition l'Oustal, dans un lieu magnifique qui est l'espace Saint-Louis. Merci beaucoup Gilles. Mouloud, je crois que tu avais aussi envie de nous parler d'un événement à l'ancrage local. Oui, alors je dois vous parler d'un festival de cinéma, c'est le festival Ayaï, hein. Et c'est un festival international, mais on l'appelle toujours, moi je l'appelle toujours Ayaï, voilà, c'est parce qu'il y a une histoire. Et ce festival, exceptionnellement, cette année, on devait fêter les 30 ans, mais on remet ça à 2025 à cause de tas de petites difficultés. Mais cette année, il y aura quand même un festival qui va durer du 27 au 29, avec une nuit du cinéma qui est donc le 28. C'est le vendredi, je crois. Oui, 27 ou 28, oui, 27 quelque ou chose comme ça. 28. Voilà, donc il va y avoir la nuit des courts-métrages. Alors toute la nuit, il va y avoir des courts-métrages. Bon, pour le moment, il y a une possibilité de réserver ses billets ou de les acheter, je pense, bientôt. Mais il y a aussi une formule, peut-être sandwich ou repas, pour ceux qui veulent rester toute la nuit. Voilà. Donc ce festival, c'est pour pas qu'il y ait une interruption. Parce que les 30 ans sont reportés en 2025 pour justifier aussi le fonctionnement de l'association. Donc ne pas oublier de venir toujours au même endroit, hein, la manufacture des tabacs, les billetteries, les bureaux sont au pôle image et les salles, c'est pôle image, l'école du cinéma, l'IECA, l'audiovisuel, hein, l'école de l'audiovisuel. Et puis le conservatoire, bon, pour le moment, on n'a pas encore, le programme n'est pas fini, mais on en reparlera bientôt. Le NJP peut-être. Alors, vous savez aussi qu'il y a un festival de jazz, le fameux festival mondial du jazz de Nancy, qui aura lieu donc du 5 octobre au 19 octobre. C'est un festival qui arrive à son, je crois, les 50. Un an maintenant, hein, il est relativement mûr. Bien implanté dans le paysage, Et effectivement, il a implanté effectivement. dans le paysage nancéen, dans les pépinières depuis très longtemps. À une époque, il y avait même un chapiteau qui ressemblait à une tente d'Indien. Et entre-temps, bien sûr, ça s'est pérennisé, ça s'est, comment on dit, solidifié, ça s'est agrandi avec des salariés. Il doit en avoir 6 maintenant, alors qu'au début, c'était que des bénévoles. Il est venu à maturité, ça y est, hein, il fait sa route. Donc, il y a beaucoup de groupes de jazz qui sont déjà passés à Nancy ou à d'autres festivals. Yatou Skyvote, Véronique Sanson, c'est le disons, c'est une ancienne, effectivement, qui attire beaucoup de monde. Ça passe au chapiteau, il faudrait qu'elle passe effectivement plutôt à l'Opéra Théâtre ou à Poirel. Mais enfin, elle passe au chapiteau et il y a beaucoup, beaucoup de public pour elle. Il y a Cassave, hein, c'est assez connu. Brad Meldo, Trio. Les Stranglers, bien sûr, c'est aussi très connu. Oui, Kezia c'est ma Jones. petite recommandation personnelle. Hein. Les Voilà. Stranglers, Oui, voilà. J'y moi. serai dans tous les cas, moi, c'est certain. J'espère que tu as pris ta place parce que. Oui, ça part On ne sait extrêmement jamais. vite. Hein. Ça Ah part ouais. extrêmement vite. Il y a beaucoup de monde. Voilà, Kezia Jones et tout ça. Vous savez que vous aurez droit au premier samedi, donc au Jazz Poursuite, hein, qui va se passer dans les cafés de Nancy. C'est gratuit. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de. S'il y a trop de monde dans le café, vous pouvez rester à l'extérieur, vous pourrez écouter. Il y aura le jazz en région. Il y aura bien sûr la pépinière en fête qui aura lieu le dimanche. Beaucoup, beaucoup de sites, effectivement. J'ai souvenir que l'autre canal est également mobilisé sur cette édition. Il y a plusieurs concerts qui vont Le, avoir lieu là-bas, donc. oui, l'autre canal, la salle Poirel, la salle qui est à la manufacture derrière le théâtre. Et il y a automatiquement d'autres salles à l'extérieur de Nancy. Hein, c'est le Jazz Tour. Hein, voilà. Le Jazz Poursuite, vous le savez. Le 13 octobre, il y a le Jazz et les Pépinières. C'est gratuit. Vous pouvez aller au Grand Chapiteau ou à l'Heure d'Heure. Il y a des musiciens, des fanfares et tout ça qui vont se promener à l'intérieur de la pépinière. Il y a aussi donc le fameux Magic Mirror où il y a souvent des nouveaux musiciens qui passent là avant de passer dans le Grand Chapiteau. Voilà, pour se faire découvrir, ils passent au Magic Mirror. Donc rendez-vous du 5 au 19 octobre. Et n'oubliez pas de réserver parce qu'il y a des concerts qui vont certainement se jouer Porte fermée. À quelques places près, effectivement. Voilà. Et j'ajouterais que nous allons recevoir probablement l'un des organisateurs dans l'émission, Gilles, peut-être Les prochains jours. Donc, Claude-Jean-Antoine, dit Tito, nous donnera un petit peu, en exclusivité pour Lumière, un peu sa tonalité et son coup d'œil rétrospectif historique du NJP. Super. Et pour ma part, j'aimerais vous parler d'un événement qui va se dérouler cette semaine au moment où on l'enregistre, puisqu'on enregistre un mardi, et qu'à partir de vendredi, voire du jeudi soir, cette année exceptionnellement, se lancera la 46e édition du Livre sur la Place, donc à Nancy, Place Carrière, qui est donc le plus grand festival pour la rentrée littéraire. Alors c'est un festival auquel j'ai l'habitude personnellement de participer et qui cette année nous propose une programmation tout à fait exceptionnelle. Le coup d'envoi sera donné par François Sureau de l'Académie française le jeudi soir à la salle Poirel et suivront tout au long des trois jours plus de 190 conférences, débats d'idées, événements autour de la littérature. Pas uniquement la littérature générale, puisque cette année nous fêtons les 80 ans de la libération de Nancy, qui par hasard du calendrier tombera d'ailleurs durant le livre sur la place, puisqu'il s'agira donc du dimanche, le 15 septembre. Un certain nombre d'historiens seront présents, ce qui me fait particulièrement plaisir, étant donné que je fais des études d'histoire, parmi lesquels on peut compter notamment Michel Perrault, Annette Vivorca, ou encore Johan Chapoutot ou Patrick Boucheron, qui seront présents sous le chapiteau pour rencontrer les lecteurs, mais également en conférence, pour évoquer notamment donc, les relations à l'histoire et d'autres événements. D'autres auteurs seront évidemment présents, j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission, notamment des auteurs comme par exemple Gaël Fay, auteur du célèbre Goncourt des lycéens qui a été adapté au cinéma, donc qui s'appelle Petit Pays, et qui revient cette année avec un roman sur le Rwanda, l'histoire du Rwanda, le génocide sur plusieurs générations. Kamel Daoud sera également présent sous le chapiteau. On peut compter également la présence de Hervé Le Tellier, l'auteur du remarquable Goncourt L'Anomalie, qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, voire millions, je crois. Et des événements exceptionnels pour mettre en valeur donc, la littérature, des lectures, des remises de prix également seront proposées. Et voilà, c'est un superbe événement. L'année dernière, 132 000 visiteurs ont été accueillis sous le chapiteau et dans les différents points de la ville durant tout le week-end, puisque des événements se dérouleront non seulement Place Carrière, mais également à la préfecture, au musée, dans des endroits un petit peu plus insolites aussi, puisqu'il y a notamment une rencontre avec l'auteur Nicolas Beuglé dans un parking, le parking Charles III à Nancy, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un très bel événement, un très gros événement de la rentrée à Nancy, sur lequel Lumière en Art sera largement mobilisé. Gilles, je crois que vous vouliez nous parler des jokers, peut-être, évoqués. Oui, en quelques mots. Alors, pour les lecteurs du magazine, ils connaissent déjà quand on donne des documents, je dirais, traditionnels écrits, les supports écrits. Pour le magazine Webzine sur Internet, ils découvrent là aussi des initiatives intéressantes pour les jokers. Et c'est surtout par rapport aux auditeurs donc de Faiget qu'on voulait présenter cette démarche des jokers. Alors au fil des saisons, Lumière en Art, donc l'association a inscrit au cœur de son activité le magazine. Et comme on le disait tout au début, on va essayer de plus en plus de faire des coups de cœur révélations sous forme de trophées. C'est un concept assez inédit, original, qu'on a créé là et qui commence à prendre tournure, je dirais, dans la mesure où on a une sélection de 5 artistes à peu près à chaque événement. C'est une escale gourmande où on joint l'art de vivre avec la vie quotidienne. Et là, en l'occurrence, la prochaine initiative qui va annoncer l'automne, le 21 septembre, nous proposerons l'escale gourmande Nancy Grand Est, donc avec un partenaire qui est tout à fait intéressant au niveau créatif et gourmand, l'Uni Vert en Ville-Vieille, donc pas loin du siège de NJP. Et dans cet établissement, leur concept est vraiment remarquable puisqu'ils ont créé toute une palette de plats et où vous pourrez déguster des brunchs très très intéressants avec de bons produits naturels. Et tout est original, l'accueil est formidable et puis le lieu aussi est très agréable. Alors ça nous permettra d'accueillir ce jour-là la remise des trophées. Alors les trophées ce sont sous forme de remise de joker. On vous proposera la nouvelle formule qui a été créée par l'artiste chinois Yua Cheng et qui a proposé un graphisme, une nouvelle maquette pour décerner ce symbole, cet emblème, à des personnalités pépites dans le domaine de l'art. Alors, on ne va pas vous révéler tout de suite toute la programmation et dévoiler les secrets des personnalités qui vont être mises à l'honneur, mais en tout cas, parmi ces invités, il y aura un auteur qui a fait un livre, un dictionnaire qui fonctionnera, on l'espère, très très bien. Au moment du livre sur la place, vous pourrez le rencontrer. Donc simplement pour ceux qui ne le connaissent pas, qui auront envie de lire avant, le dictionnaire donc, du Daron, qui est quelque chose d'assez passionnant dans le contexte actuel. C'est vraiment une œuvre remarquable. Il existait jusqu'à présent des choses sur le patois lorrain, sur le dialecte lorrain, dans d'autres registres littéraires, mais là, c'est vraiment quelque chose au niveau lexical et amusant et de belle qualité, un travail qui a été fait intéressant. Et puis, l'artiste dont on parle de plus en plus, artiste peintre, auteur également, Fabio Porino, que vous pourrez rencontrer au moment du lancement du livre sur la place. Alors, il a une initiative en dédicace au Mercure Centre Stanislas le vendredi de la fin de cette semaine. Donc, pour le 13, et vous pourrez revoir Fabio Porino donc, pendant le livre sur la place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers lui, on a voulu donner un coup de cœur, le trophée Joker d'or à cet artiste qui est vraiment étonnant. Et en plus, ça correspond pour lui à la publication d'un livre dont on ne vous dit pas plus de choses pour l'instant, mais ce qu'on appelle un beau livre, dans les beaux livres, un livre d'art, qui est remarquable, qui reprend bien sûr ses œuvres, qui sont très variées. Et c'est un artiste tout à fait original. Alors, on vous donnera un petit peu la suite quand le rideau se lèvera pour ce moment convivial de remise du Joker d'or et des trophées. Donc du 21 septembre, on aura l'occasion de vous en reparler. C'est un moment riche et au fil de l'année, effectivement, selon les saisons, on proposera des artistes très très différents. Comme on vous l'a dit, ça peut être un sculpteur, un photographe, un chef pâtissier, un maître cuisinier, mais également tous les artistes du domaine de l'écriture ou des arts. Et il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes talents dans la région. Pour ça, c'est un travail d'équipe. Puisqu'on remercie souvent nos lecteurs du magazine qui découvrent des artistes et quand on ne les connaissait pas forcément, ils nous proposent de nous rapprocher d'eux. Mais l'équipe Lumière, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais elle s'étoffe, elle ne se réduit pas aux quelques-uns que nous sommes ici ce soir. Et on va bien sûr l'élargir encore parce qu'il y a beaucoup de choses passionnantes à faire. On est partant sur des projets d'idées. Donc si vous voulez participer à cette aventure, à ces événements, à ces voyages culturels, vous pouvez très simplement rejoindre, vous aussi, l'équipe Lumière en Art, dont Victor vous donnera les modalités en fin de parcours, en fin d'émission tout à l'heure. Et j'ajouterai par ailleurs que vous pouvez nous suivre, évidemment, que ce soit donc sur le site Lumière en Art, mais également donc sur les réseaux sociaux. Nous avons donc un Instagram et surtout un Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, et n'hésitez pas à vous abonner donc à la newsletter. À présent, je vais vous laisser avec un petit peu de musique, du jazz, comme on aime à Nancy. John Coltrane, Blue Train, on se retrouve tout de suite. Merci. Thank you. Nous revoilà en direct dans l'émission donc Grain de Lumière. Je suis ravi d'être là avec vous. Éclat de Lumière, pardon, j'ai possibilité que j'ai fait la faute un petit peu. On a changé le nom récemment. Donc voilà, ce sera, je le reprécise pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route, ça sera donc tous les deuxièmes jeudis du mois, donc sur Fadjet, l'émission est sans doute disponible, il faut encore qu'on y travaille avec l'équipe, mais sans doute disponible sur leur site internet pour que vous puissiez l'écouter et réécouter les interviews et les recommandations culturelles qui seront proposées lors de l'émission. Alors, c'est moi qui vais reprendre pour vous parler d'un événement qui se déroule donc autour de Nancy, à Pont-à-Mousson, plus précisément, puisque je vis pas très loin, avec un concert qui se déroulera à la médiathèque de Pont-à-Mousson, qui est une superbe initiative de la médiathèque de Pont-à-Mousson, donc avec Steve Strong, qui sera en concert de 19h30 à 20h30. Je voulais juste en parler rapidement, puisque moi-même, jusqu'à très récemment, je ne connaissais pas cet artiste et que j'ai la chance de connaître par le biais de rencontres interposées. Et donc, j'ai pu avoir un petit peu accès à des vidéos et à sa musique, tout simplement. Et c'est un homme orchestre assez épatant, dont la performance est autant scénique qu'en termes de musique. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater, donc à la médiathèque de Pont-à-Mousson. Et j'en profite également pour parler d'un événement qui se déroulera là aussi dans les bibliothèques et dans les médiathèques en général. C'est le 28 septembre, de 10h à 18h. C'est ce qui s'appelle donc l'événement Biblio en folie. Cet événement, c'est l'équivalent, c'est la première journée du patrimoine des bibliothécaires. Donc c'est un événement qui est destiné à mettre en valeur le métier de bibliothécaire sous toutes ses formes, que ce soit par des quiz, par des jeux, par des rencontres, par des conférences. La possibilité donc est donnée au public de venir donc dans les bibliothèques et les médiathèques de France pour découvrir un petit peu ce métier qui est pas forcément toujours connu dans toutes ses dimensions. On le réduit un petit peu parfois donc au simple chercheur de romans et de livres. Mais finalement, donc, il y a beaucoup de choses qui entourent ce métier et vous aurez donc l'occasion de le découvrir le 28 septembre de 10h à 18h. Et pour terminer peut-être cet agenda culturel, un événement important, c'est la venue de Barbara Hendricks le 30 septembre à la salle Poirel de 20h à 22h. C'est l'ouverture de la saison de la salle Poirel. C'est une très grande chanteuse, Barbara Hendricks, dont le répertoire s'étend de la musique allemande, française, scandinave. Et c'est un immanquable de ce début de saison à la salle Poirel. Sa venue est tout à fait exceptionnelle puisqu'elle se produit sur toutes les scènes du monde et qu'elle fait un arrêt à Nancy pour l'ouverture de cette saison de la salle Poirel. Gilles, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Par rapport à l'ensemble Poirel, peut-être juste dire quelques mots pour les nouveaux Nancéens, les nouveaux Lorrains, les étudiants qui arrivent sur Nancy, qui connaissent Poirel que de nom. C'est un lieu extraordinaire. La ville de Nancy s'est investie de façon puissante pour l'aménagement, puis un engagement financier également pour permettre à ce lieu de se développer. Il y a une équipe formidable qui anime le lieu. Maintenant, il y a deux galeries qui sont opérationnels, ça y est, pour la deuxième, et il y aura des événements architecture très importants dont on aura l'occasion de vous reparler. Et puis ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas encore Poirel, c'est que, bien évidemment, c'est le lieu symbolique, emblématique de l'accueil de structures de référence et renommées comme l'ALMC, l'Ensemble Stanislas, Mais il y a beaucoup de rencontres qui auront lieu pendant le livre sur la place, autour de ces dates, avec des auteurs. Il y a également des événements, il y aura 5 concerts, 5 récitals pendant le NJP. Donc ça, c'est important à souligner. Et puis après, il y aura une programmation musicale, du spectacle vivant pour tous les goûts, tous les publics. Et c'est vraiment un lieu, c'est un lieu coup de cœur. C'est vraiment un endroit qu'on ne saurait trop vous recommander à vous qui arrivez en Lorraine et à Nancy. Et j'ajouterais que la programmation de cette année est extrêmement intéressante, puisque rien qu'en novembre, il y aura la 5e de Malheur, qui est un, pour moi personnellement, mais je pense pour beaucoup d'amateurs, un véritable événement. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, pour l'agenda culturel de Lumière en Art. Il nous reste un petit peu plus. Quelques recommandations personnelles qui sont avant tout centrées sur la lecture, la littérature, puisque dans quelques jours donc, se tiendra le livre sur la place, comme on en a déjà parlé dans l'émission. J'ai trois romans à vous recommander. Un petit peu plus. Un que j'ai rattrapé très récemment, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans l'émission, c'est Petit Pays de Gaël Faye. C'est un roman exceptionnel qui a été publié en 2016 et qui a reçu la même année le Goncourt du lycéen et qui aborde à travers donc, la vie d'un jeune puis d'un adolescent au Burundi les événements qui se sont déroulés en Afrique dans les années 90. Je pense notamment au génocide qui a eu lieu donc au Rwanda, pays voisin du Burundi, mais également à la guerre civile qui s'est produite au Burundi durant donc la période où se déroule le récit. C'est un livre époustouflant, de par les émotions qu'il véhicule, et c'est aussi un roman qui, pour la première fois, vous savez, on nous dit beaucoup lorsque l'on étudie à l'école, à la fac, ou lorsqu'on a des documentaires sur les génocides, on évoque beaucoup cette sensation de vide, l'absence de population, l'absence de monde. Eh bien, c'est quelque chose que l'on ressent. À la fin de Petit Pays, on se sent presque vide, triste, un petit peu déboussolé, mais c'est une sensation extrêmement forte qui nous traverse en lisant Petit Pays, qui, je le sais, a été adapté au cinéma, que je n'ai pas vu malheureusement, et qui est d'ailleurs largement, je le sais par certains collègues, qui est étudié aujourd'hui en classe de français et en classe d'histoire, et c'est une très bonne chose, puisque les informations qui sont véhiculées par Gaël Faye sont des éléments très intéressants et pas forcément très connus du grand public, donc c'est une lecture que je qualifierais d'importante et de très intéressante, et de très forte en émotion, faut quand même rester accroché. Et j'en profite également pour dire que Gaël Faye est au Livre sur la Place ce samedi et je crois ce dimanche, mais j'ai un doute, où il sera notamment au cœur d'une rencontre à l'Opéra pour nous parler de son dernier roman que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle Jacaranda, qui est un roman qui aborde les événements qui se sont déroulés d'avril à juillet 1994 au Rwanda. Donc ce terrible génocide sur, il me semble, 4 générations. Donc voilà, c'est un roman phare de la rentrée littéraire qui reçoit actuellement d'excellentes critiques et qui est au cœur d'ailleurs de nombreuses sélections. J'ai vu passer récemment qu'il était dans la sélection Goncourt, il est également dans la sélection Renaudot, donc je le crois, c'est une lecture à ne pas rater au cœur de cette rentrée littéraire 2024. J'en profite également pour vous parler d'un autre roman, c'est la lecture, c'est ma lecture qui est en cours, à savoir La Voix d'Edgar Morin. Edgar Morin, c'est un philosophe très important au cœur du paysage français. Il est âgé aujourd'hui de 103 ans et c'est cette année l'exceptionnel président de cette 46e édition du livre sur la place. La Voix, qui est sous-titrée Pour l'avenir de l'humanité, est un ouvrage qui fait un constat sur le monde, un constat sur le développement humain, sur l'Occident, sur notre façon d'évoluer. Et c'est un roman extrêmement fort qui propose aussi une solution sur la façon dont on pourrait s'en sortir en proposant des solutions. Il aborde des thématiques comme la démographie, l'humanité, le développement, l'Occident. C'est un livre fort, mais en même temps très facile à lire de par la plume d'Edgar Morin, qui arrive avec un vocabulaire très simple, des phrases courtes, à tout simplement évoquer comment tout simplement le monde pourrait courir à sa perte, mais aussi comment on pourrait s'en sortir. C'est une lecture très intéressante par celui qui a écrit la méthode en 6 volumes, et c'est sans doute un immanquable, au moins pour la rencontre qu'il va au cœur de laquelle il va être ce vendredi soir au Livre sur la Place à 18h à l'Opéra. Mouloud, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je te voyais acquiescer. C'est juste pour un petit mot sur Kamal Daoud. Bon, qui est maintenant qui est relativement connu en Europe et en Algérie. Qui est l'auteur de Ouris. Ouris, voilà, à cette rentrée littéraire. Voilà, alors la particularité justement de cette période que certains écrivains voulaient traiter mais qui ne pouvaient pas, c'est la guerre civile des années 90. Et cette guerre civile, quand Bouteflika est revenu au pouvoir, conclu un pacte, un contrat avec les islamistes pour qu'ils se rendent et qu'ils aient effectivement, qu'ils bénéficient de la liberté et de l'absolution finalement, hein, c'est ce qui s'est passé. Seulement, les familles qui ont eu des morts, qui ont eu des membres de leur famille exécutés par les islamistes, se pavaner, se marcher dans la rue, avait des indemnités du pouvoir, mais c'était la seule façon peut-être pour amener la paix, je ne sais pas. Et ils ont interdit justement, le pouvoir a interdit pendant cette période de guerre civile aux écrivains, aux journalistes d'en parler. C'est-à-dire, c'était la condition de cette paix sociale. Il ne fallait pas remuer cette histoire de violence, de crime et tout ce qu'on veut de règlement de compte. Une sorte de censure, finalement. Une espèce de censure. Et c'est pour ça qu'Amal Daoud peut être intéressant à lire, justement, parce que c'est celui qui a osé un petit peu retoucher. Bien qu'il y ait eu quelques écrivains auparavant, hein, mais avant cette interdiction, il y a eu quelques écrivains dont on ne parle pas beaucoup, même en Algérie. Et pourtant, ils existent. Il y en a peut-être une dizaine qui ont écrit sur la guerre civile des années 90. Mais Kamal Daoud, il est récent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le lire. Et surtout qu'il y en a beaucoup qui critiquent en ce moment le fait qu'il ait écrit ce livre. Voilà. C'est un des favoris pour le Goncourt. Il est dans la liste cette année. Et l'ouvrage fait énormément parler, au même titre que certains autres ouvrages de cette sélection. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi des opposants, justement, parce qu'il va peut-être être choisi pour le prix. Pour le Goncourt. Voilà, pour le Goncourt. Gilles, tu voulais ajouter quelque chose? Une petite info, tout simplement, pour les auditeurs de Fagette qui seraient intéressés, qui auraient la possibilité d'être sur Paris le 19 septembre, deux événements le même jour, opportunité des dates. Lumière en art accueillera au Lumen Louvre, donc à deux pas du Louvre, l'autrice Anaïde Demir, donc pour son ouvrage Les suffragettes de l'art, donc Musée des Beaux-Arts de Paris, ministère de la Culture. Il y aura une rencontre privilégiée dédicace, donc si vous souhaitez y participer, vous êtes sur Paris. Et puis le même jour, en soirée, chanteuse, une artiste formidable, on avait eu l'occasion il y a juste un an de lui attribuer un coup de cœur et un trophée d'or création musicale jeune talent. C'était une pépite, Madeleine, It's Madeleine, qui a fait une belle tournée depuis quelques mois dans tout l'Hexagone. Et un point fort de la fin de sa tournée sera Paris, une salle parisienne de La Boule Noire le 19 septembre, donc pour son récital It's Madeleine. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Lumière en Art. Merci beaucoup Gilles. Donc je rappelle Lumière en Art que vous pouvez contacter à la fois donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, mais également donc, sur Facebook, Lumière en Art, et une autre page qui s'appelle Lumière en Art officielle. N'hésitez pas à vous abonner également à la newsletter, nous vous répondrons. Et nous serons ravis. Une toute petite dernière recommandation avant de conclure cette émission. C'est à nouveau donc une recommandation littéraire les dédier cette fois-ci à Olivier Norek. Alors Olivier Norek, c'est avant tout un auteur de polar et un scénariste extrêmement reconnu. C'est un scénariste donc qui a publié auparavant des polars que l'on a qualifiés de polars sociaux, que ça soit sur l'écologie, que ça soit également sur le monde de l'immigration avec les migrants à Calais, qui publie un roman qui m'a moi interpellé puisque, et je le crois, c'est la première fois qu'il n'écrit pas en quelque sorte un polar ou quelque chose qui a un rapport avec le monde policier. C'est un ouvrage historique qui s'appelle donc Les Guerriers de l'hiver. Et qui aborde tout simplement un des conflits au cœur de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle donc la guerre d'hiver, qui a eu lieu entre 1930 et 1940, donc à l'hiver 1939-1940, qui a opposé donc la Finlande et la Russie. Et ce qui est assez particulier, c'est que au cœur de cette guerre sanglante, que les soldats de l'armée rouge pensaient remporter rapidement, il y a un homme qui a réussi à leur faire face, qui a tué entre 500 et 700 personnes. C'est un sniper finlandais, dont je vais peut-être essayer de prononcer le nom sans ouais, ça va être un petit peu compliqué. Alors je vais me contenter simplement de dire qu'on le surnommait la mort blanche, parce que je n'ai pas très envie d'écorcher son nom. Il est mort en 2002, et c'est surtout quelqu'un qui pouvait rester des heures camouflé dans la neige et qui était capable de tout simplement ne pas bouger. Il était donc surnommé la mort blanche, et il a fait entre 500 et 700 victimes du côté de l'armée rouge, qui a mis des moyens considérables pour tout simplement essayer de l'arrêter, et il a été blessé assez gravement au visage, mais il n'est pas mort, il a survécu à la guerre, et il est décédé je crois en 2002. Et c'est donc lui le personnage principal de cet ouvrage d'Olivier Norek, que j'ai très envie de lire et que je vous encourage à lire également. Mouloud, quelque chose à dire ? Non, tout simplement, c'est là que je pense que la Finlande, disons, est devenue neutre par rapport, disons, aux autres pays. C'est d'ailleurs un peu comme la Suisse, la neutralité au niveau des conflits, quoi. Mais ça a peut-être changé. Ça va peut-être changer dans le contexte actuel, mais surtout un modèle pour la France du début de la guerre, puisque beaucoup de soldats français étaient encouragés à s'inspirer de la résistance et de l'héroïsme finlandais à ce niveau-là. Oui, parce qu'ils n'étaient pas nombreux par rapport aux Russes, c'est rien. Ils sont encore moins nombreux que les Ukrainiens. Effectivement. Ouais. Je crois que voilà, nous sommes arrivés au bout de cette première émission. Je suis très heureux d'avoir pu y participer avec mes collègues Gilles et Mouloud. Donc cette émission Éclat de lumière, qui sera à retrouver sur les ondes de Fadjet tous les deuxièmes jeudis du mois. La prochaine fois, nous aurons sans doute un invité pour compléter. Et voilà, je suis très heureux. N'hésitez pas donc à rejoindre les réseaux sociaux de Lumière en Art, le Facebook, Instagram, le site internet. Et voilà, je vais vous laisser à présent avec les Daft Punk. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonne fin de journée, au revoir. Allez, bonne journée.